Et donc, pour conclure, on va dire quand même un petit mot. On a un petit quart d'heure sur le nouveau Harry Potter que vous avez lu, mes amis. Absolument. Oui, oui, oui. Donc oui, moi, je vais arbitrer les débats. Mais oui, parce que toi, tu n'as pas lu non. Harry Potter. Comment moi, je boycotte. C'est terrible. Mais bon. Ouais, Harry Potter, fin d'une saga. Et tome 7, très attendu. Les reliques de la mort. Les reliques de la mort. On va pas vous refaire tout l'historique du bazar. Hein. Tout le monde en a parlé. Dit, redit, on sait qu'elle connaissait la fin depuis le début, etc., etc. Donc, bon, fin d'une saga. Alors, la fin d'une saga, c'est toujours extrêmement périlleux, surtout, évidemment, dans un truc de cette ampleur. Parce que l'air de rien, Harry Potter, quand même, si on totalise, je pense qu'il doit y avoir pas loin de 4500 pages en tout, quelque chose comme ça. Oui, je pense bien. Donc c'est quand même fort fort volumineux, il se passe plein de choses, il y a des dizaines de personnages qui sont tous très attachants. Bon, elle a commencé à en flinguer un peu quelques-uns dans les précédents, donc ça dégraisse, mais malgré tout il en reste quelques-uns. Et donc fin de saga égale forcément difficulté, et évidemment le livre n'échappe pas à cette difficulté, puisque quoi qu'il arrive, quand on lit les 900 dernières pages d'une saga qui en compte plus de 4000, on ne peut être que déçu. Donc la seule question qu'il y a à se poser pour ce dernier tome, c'est est-ce qu'on est vraiment déçu, ou bien est-ce qu'on est triste que ça s'achève, mais quand même qu'il y a des choses réussies. Moi, je pense, sans dévoiler la fin, on va essayer de pas faire trop de spoil, je pense sincèrement qu'elle est arrivée à faire un beau pari, que les lignes de récit se rejoignent sans incohérence, qu'il y a des morceaux de bravoure dans la fin, parce qu'évidemment, on attend tout ça, hein, c'est la fin, donc il faut que ça pète, il faut que ce soit grandiloquent, etc. Elle le fait un peu, pas trop, elle sait que de toute façon c'est mission impossible parce qu'il y a 4000 pages derrière et que voilà, on peut rien faire. Ça se termine par un bras de fer, bon, je vous le dis. Comme dans Over the Top, elle a tout pompé à Stallone. Tant que tu ne dévoiles pas la partie bille magique. Non, ça se termine évidemment avec un grand combat, etc. Et il y a des morts, et il y a des blessés, et il y a des retournements de situation, et il y a des choses. Et alors, pour ceux qui n'ont pas encore lu, qui sont en train de commencer, qui se demandent et tout ça, oui, vous aurez les réponses à toutes vos questions, et oui, vous aurez des explications sur les personnages, et oui, tout s'explique. Sans truc abracadabran, sans Deus ex machina, j'ai du mal à dire cette expression. Deus ex machina, sans rocambolesque. Ça tient parfaitement la route. Je me réjouis d'avoir le temps, probablement les vacances prochaines, de reprendre les 7 tomes et de les relire en sachant ce qu'on sait, et ça va expliquer plein de choses. C'est vraiment très cohérent. Une autre, je fais le bien d'abord. Hein. Une autre grande qualité, je trouve, de ce bouquin, c'est que on sait qu'au départ c'était de la littérature de jeunesse, maintenant ça l'est un petit peu moins, c'est vraiment passé dans la littérature grand public, avec quand même une petite orientation un peu jeunesse, donc on s'attend quand même à ce qu'il y ait une morale malgré tout. Est-ce qu'Harry Potter est vraiment si bon que ça? Est-ce que c'est le héros, etc. Parce que bon, il y a des doutes, hein, lui-même a des doutes pendant toute la saga, et je trouve qu'une grande qualité du livre, c'est d'être nuancé dans ses conclusions. Il y a des personnages qu'on imaginait mauvais et qui ne sont pas forcément tout à fait aussi mauvais que ce qu'on pensait, mais ça ne devient pas des anges. Les personnages qui sont des bons sont pas tous non plus des gens merveilleux et gentils, etc. Il y en a, c'est des vrais salauds. Mais c'est quand même des bons. Ils font quand même le bien. Et dans les mauvais, il y a des mauvais, ben oui, ils font le mal, mais malgré tout, on a envie de ne pas leur marcher dessus parce qu'il y a quelque chose d'humain entre eux. Donc il y a vraiment pas, c'est pas manichéen. Pour un sou, c'est très équilibré, et dans les retournements de situation, dans la morale des personnages, etc., ça se marque vraiment. Et il y a un épilogue à la fin, évidemment, qu'on peut difficilement raconter, parce que, bon, est-ce qu'on peut dire ce qui va... Il y a des gens qui pronostiquent que Harry va mourir à la fin. Est-ce qu'on peut le dire? Non, ou... on peut clairement dire que non. On peut dire que Harry ne meurt pas, quand même. Mais donc le personnage principal d'une série dont le propos même est d'être un parcours initiatique, on le voit mal mourir à la fin. Ah, mais il y avait des pronostics comme quoi éventuellement... Mais oh là bon, là. Voilà, il ne meurt pas. Et donc on a un épisode qui se passe 19 ans après la fin de l'aventure, où Harry a... Donc Harry doit avoir quelque chose comme 36 ans, puisqu'il doit en avoir à peu près 17 quand ça se termine. On a un épisode qui se passe 19 ans plus tard, et où il y a... Ça résiste à toutes les tentations. Autant... Je serais d'accord pour dire que oui, c'est un petit peu décevant. Autant, c'est merveilleux de voir comment l'auteur résiste à toutes ces tentations, dans le sens où l'épisode est un brin de vie tout à fait normal. où on voit la vie des personnages 19 ans plus tard. Donc il s'est passé un bon bout de temps, il s'est passé des choses. Il y a des gens qui se reconnaissent, elle qui se regardent d'un clin d'œil, etc. Elle ne connaît quand même pas les statistiques sur le divorce. Hein. Oui, c'est vrai. Mais chez les sorciers, c'est peut-être différent. Bon. Et il se passe rien de particulier. Parce que, évidemment, il y avait plein de grandes tentations, genre, Harry Potter a un fils, et il va rencontrer le fils de Drago Malfoy, et ils vont se regarder dans drôle d'œil, et on prépare la saga prochaine. Pas du tout. Il y a rien de tout ça. Il y a pas de petits clins d'œil, de trucs qui étaient dans l'ombre et qu'on n'avait pas vu, mais qui annoncent que, il va se passer un truc. Il y a pas. Voilà. C'est un brin de vie normal. Donc, pour moi, rien que pour ces deux choses-là, ce tome 7, il est évidemment totalement indispensable si vous avez lu. Et même, ne fût-ce qu'apprécier à moitié les six premiers, il faut que vous le disiez, vous avez répondu à ma question. Et en plus, il a vraiment plein de qualités littéraires, je trouve. Alors, parole à Virginie, réplique. Parce que toi, je pense que la parole est à la défense. Un jugement un peu différent. Pour ce qui est du caractère des personnages, je suis peut-être un peu plus nuancée. Parce que moi, je trouve que ceux qui sont bons, foncièrement, restent bons. Ils ont des petits coups de gueule qui sont un peu des espèces de... Allez, bon, je fais mon petit coup de gueule pour avoir l'air un petit peu... Un peu pas rebelle. Si gentil que ça, mais ils finissent toujours par revenir du bon côté de la force, comme on dit, et leur coup de gueule dure jamais longtemps, et ça, je trouve qu'ils restent quand même assez... Bon, le coup de rock, là, oui... Non, je ne dis rien, mais je dis que lui, effectivement, lui, il est peut-être un peu moins maniqué, hein. Mais Dumbledore, il reste assez manichéen d'une certaine manière. Ouais, peut-être Dumbledore en effet, mais je trouve que j'ai cru comprendre Dark Vador. À un moment, moi, je me suis même demandé s'il n'y avait pas une question de foi chrétienne là-dedans. Ah, il y a moyen d'interpréter ça de mille Parce manières. Parce que Dumbledore, qui est le personnage qui guide Harry Potter depuis les 6 tomes, dans le 7e tome, il doute de Dumbledore. On va pas raconter pourquoi et tout ça, mais il doute de Dumbledore. Il y a quand même une phrase qui, moi, m'a un petit peu hérissé le poil, mais c'est peut-être parce que on veut y voir des trucs chrétiens partout. C'est que Harry Potter dit, il faut que j'arrête de douter, je dois avoir la foi malgré le doute en Dumbledore et avoir confiance en ce qu'il me demande, même si je ne sais pas exactement ce qu'il me demande. Il y a ça. Ça fait un petit peu... Comme elle exagère tout de suite. Ça m'a un petit peu dit... Bon, est-ce qu'elle va pas nous parler de la foi, là, quand même? Ouais, non, mais c'est vrai. Mais ceci dit, je pense que de toute façon, si on réfléchit à l'économie du caractère de Dumbledore à travers les sept récits, on peut pas faire autrement. Ce personnage, il peut pas évoluer plus que ça. Je trouve qu'il est déjà poussé pas mal parce qu'il exprime à un moment donné. Bon, ça, on peut le dire quand même, qu'il va y avoir une communication. On vous dit pas s'il est mort ou s'il est vivant entre Harry Potter et Dumbledore, et où Dumbledore va réellement exprimer ses doutes quand même, et où il va aller, il va y avoir de l'émotion, etc. Donc là, vraiment, on le pousse quand même, ce personnage, malgré tout. Oui. Et je trouve que c'est encore plus intéressant ce que tu disais de Severus Rogue, qui est clairement, pour moi, à travers ces sept tomes, c'est le personnage le plus riche et le plus intéressant de toute la saga. Oui, clairement, exactement. Là, j'ai envie de relire aujourd'hui, de me retaper 4500 pages de lecture, c'est en grande partie pour faire très attention à ce qu'il va faire dans les marges et dans les petits coins et dans les coins de l'histoire qu'on ne regarde pas. On se doute que Ron et Hermione ne vivent pas des tourments shakespeariens. Ah, ben... Pendant 5 minutes. Non, mais je veux dire, ce sont pas des personnages qui. Ron, il a quand même un moment très tourmenté dans l'histoire. C'est quand même pas rien ce qui se passe avec Ron. 20 pages après, ça y est, il ne se tourmente plus. Ah, ça m'a semblé long. Moi, la vision que j'en ai, la seule, c'est celle des films. Et clairement, pour aller un peu dans le sens de Virginie, malgré toute la richesse de l'univers, toute l'inventivité, la fantaisie et toutes les thématiques liées à l'adolescence, au deuil, à l'amitié, qui font toute la richesse d'une œuvre à la base pour la jeunesse, c'est vrai que les personnages principaux sont quand même singulièrement lisses. Et j'imagine que c'est pour faciliter l'identification des jeunes lecteurs à des personnages un peu consensuels. Moi, je ne suis pas d'accord sur le côté lisse. Mais c'est peut-être la version cinéma qui est comme ça. Hein. Je pense. Parce que c'est des personnages qui, quand même, ont un côté un peu consensuel, ouais. Il y a plein de sidekicks dans le roman. Il y a plein de détours de l'histoire pour les personnages principaux et plein de support acts qui viennent sur le côté. Il y a un garçon qui s'appelle Colin Creevy, qui est un espèce de fan absolu de Harry Potter qu'on voit dans les six premiers, dans les, à partir du troisième ou du quatrième tome, qui est nettement plus jeune que lui en fait, et qu'on revoit brièvement dans le septième tome. Et il y aurait moyen, mais d'en parler pendant 10 minutes, parce que ce qui lui arrive en fait est exemplaire de ce qui se passe dans le livre. Je trouve qu'une des plus grandes faiblesses, et irrattrapable, hein, c'est pas à la faute des réalisateurs ou des adaptateurs, une des plus grandes faiblesses des films pour moi, c'est justement de sacrifier ces intrigues secondaires. Voilà, toutes ces intrigues secondaires, une bonne partie des personnages secondaires et une bonne partie des pérégrinations des personnages, qui n'est pas essentiel à l'histoire, on le vire. Et c'est logique, le récit est beaucoup trop riche pour passer au cinéma comme ça, mais je trouve que dans le livre, c'est beaucoup, beaucoup plus riche. Et particulièrement ici dans le septième, puisque c'est la dernière occasion qu'ils ont de se livrer. Donc il y a toutes les réponses et tous les... C'est le grand déballage. Voilà, tout c'est le grand déballage, effectivement. Enfin voilà. Moi j'ai juste une réserve. Sinon j'ai pris toujours le même plaisir à lire, mais le dénouement final, qui à base de petites ruses, machin, j'ai trouvé ça un petit peu j'attendais quand même quelque chose de plus complexe que ce qu'elle nous a... Mais je crois que c'est inhérent au fait que c'est une saga. On est toujours déçu par les conclusions des sagas, parce que on attend quelque chose d'inhumain, et malgré tout c'est des... Voilà. Parce qu'en fait c'est David contre Goliath, quoi. Ouais, c'est un peu ça, une histoire d'astuce. Ouais, ça. Mais en même temps, c'est lisez, fort. Lisez, vous verrez. Ah, lisez, vous verrez. L'astuce est avec Harry Potter. Absolument.